Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time à tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une belle soirée du nouvel an. En tout cas, de mon côté, ça s'est super bien passé. Je crois que du côté d'Andrew également, si je me fie à l'heure que je l'ai appelé, puis il est encore debout. Oui, mais je t'avais d'aller me coucher à faire une dinde tout seul, cuisiner toute la journée, j'étais brûlé, moi. Je te crois. Une fois que tout le monde avait mangé, là, c'était temps que je prenne ma petite bière tranquille. Là. Et moi, de mon côté, c'était un nouvel an ludique, parce qu'on avait, comme à notre habitude, chez mon frère, Guitar Hero était plugué, donc on s'est beaucoup amusé. On a fait le traditionnel feu chez mon frère, le feu du nouvel an, dehors dans la neige. C'est ça l'histoire de l'essence puis de l'huile. On n'en parlera pas, s'il vous plaît. Trop tard, c'est sur Facebook. Des fois, il faut ce qu'il faut pour partir un feu de joie en plein hiver. Mais tout ça étant dit, mesdames et messieurs, bienvenue à Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique. Et encore une fois, une grosse émission cette semaine parce qu'on a de la visite d'outre-mer, mesdames et messieurs. Monsieur Pierre-Luc Pelletier, notre collaborateur sécurité informatique. Salut Pierre-Luc, ça va bien? Salut Michael, ça va très bien toi? Yes, et là tu vois, t'es de passage justement pour le temps des fêtes et t'as décidé de passer de nous voir en studio pour faire ta chronique. Et là, cette semaine, on va parler de John McAfee. Exactement, John McAfee, donc qui a fondé McAfee, la compagnie d'antivirus que tout le monde connaît, qui a vendu aussi, ça fait même plus de 18 ans. Là. D'ailleurs, la compagnie en ce moment travaille fort pour faire de la communication, en voulant dire que John McAfee n'est plus dans la compagnie, il a vendu et il n'a aucun pouvoir de décision. Parce que là, tu vas nous parler d'un événement, parce que John McAfee présentement est aux États-Unis. A été arrêté par les autorités américaines quant à une histoire de meurtre. On va en parler un peu plus tard, mais tout ça dans une histoire de... On va parler de sécurité, de techno, et on va parler de localisation, de géolocalisation avec toi plus tard dans l'émission. Exactement. On s'en parle, en fait, tout de suite après la première chanson. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller voir toutes nos anciennes émissions, en fait, les écouter. Aller écouter également nos podcasts, aller voir nos nouvelles qu'on y poste à l'occasion également. Vous pouvez aller sur Facebook, aller taper Puissance Maximale dans la barre de recherche, allez appuyer sur le bouton j'aime parce que nous on vous aime, et si vous aimez déjà l'émission, ben parlez-en à vos amis, propagez la bonne nouvelle ludique et qu'on ait plus de j'aime. Ouais, c'est ça, parce qu'on aime ça être aimé. C'est ça, ben qui n'aime pas l'amour à part peut-être Gargamel. On se rappelle de Gargamel, tout le monde, hein, le méchant sorcier des Schtroumpfs. Ouais. Donc seulement Gargamel n'aime pas être aimé, donc nous on veut être aimé, donc partagez la page de Puissance Maximale avec vos amis. Vous pouvez aussi vous rendre sur le ckiafm.org pour aller chercher votre carte de membre pour encourager la station et, par la même occasion, Puissance Maximale, un petit 20$ pour une année. Et comme ça, vous encouragez une station différente à Québec, un micro libre, de la musique différente et, bien évidemment, Puissance Maximale. En plus, vous allez avoir des rabais dans des commerces locaux grâce à cette carte de membre. Et comme à notre habitude, on va y aller en musique. Pour commencer, un classique du métal. On y va avec Sonata Arctica et la chanson I Want Out. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. puissance maximale parce que voilà. Je vais leur mettre. Dit Andrew dans son micro. On a eu un petit problème technique, Andrew va nous arranger ça rapidement. J'ai oublié, vous avez les autres sujets de l'émission. On va vous parler, Pierre-Luc va nous parler de John McAfee, mais on va également vous parler de Assassin's Creed 3 que j'ai eu la chance de tester sur PlayStation 3. Ton micro n'était pas allumé. Ça va bien, Andrew, ton affaire aujourd'hui? Un gros félicitations. Merci. Donc, je continue. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Bravo, Andrew. Écoute, je savais pas que ton party des fêtes avait été si rough que ça. Ah, Linux, là, ça me déstabilise au plus haut point. Arrête donc. Ah, regarde, moi, je vois ça, puis... T'as c'est... peur. Mais je suis prêt, là, j'ai réglé le problème. Donc, je vais continuer ce que j'étais en train de dire à micro fermé. Donc, on va vous parler de John McAfee et de ses problèmes et de la géolocalisation. Je vais également vous parler de Assassin's Creed 3 sur PlayStation 3, bien évidemment, qui est aussi disponible sur PC et Xbox 360. Et M. Andrew Castegan va nous faire plus tard une petite... Ben, on va espérer qu'il va réussir à le faire. Là. Peut-être qu'il passera peut-être pas à allumer son micro. Là. Mais il fera une chronique de prédiction 2013 pour l'industrie du jeu. Ce qui s'en vient, les tendances. Et espérer ne pas supprimer de tune de la playlist pendant 4 jours. Ah, c'est ça ton problème. Ouais, c'est à cause qu'il y a qui m'a parlé sur Facebook. Joanie Gay qui nous écoute. On la salue d'ailleurs. Salut Joanie, merci de scraper notre émission. Ouais, exactement. Et j'ai comme voulu y écrire, mais j'étais dans la playlist. Fait que ça a donné que c'était I. Puis après ça, j'ai fait « Ah non, j'ai fait une faute backspace, j'ai effacé à tout. » Et voilà. Et donc, voilà. On retourne avec Sonatatica et I Want Out à puissance maximale. Et tout de suite après, on vous revient avec M. Pierre-Luc Pelletier. Little forms, no one has Hallo, ich bin Peter Eckert von den Eckert-Spielen aus Hamburg. Und Sie hören jetzt Puissance Maximale. Oui, de retour à Puissance Maximale. Oui, il est allumé. Ok, là, je sais, micro, je là. Sais plus. Là. Je prends plus de place. D'ailleurs, on vous rappelle rapidement que vous pouvez aller chatter avec M. Andrew Castegan en ligne sur Facebook. Mais c'est à vos risques et périls. Ça peut couper une toune en plein milieu. Ouais, mais là, vous pouvez justement aller lui rappeler que être metteur en onde d'une émission de radio, c'est être attentif à ce qu'on fait. Donc, allez l'ajouter dans vos amis Facebook, puis allez lui dire tout de suite là, que. Faudrait qu'il swatch, là. Parce que, en tout cas, moi, je le surveille. Donc, juste pour vous donner une idée, il me regarde, puis il y a le point levé, là. Et voilà. Non, on a même entendu le ressort. Et après cette dernière remarque sur la gaffe d'Andrew, on va y aller avec M. Pierre-Luc Pelletier qui va nous parler de John McAfee et de ses différents problèmes, finalement, avec la justice. Et aussi, en fait, l'origine de ce problème qui vient un peu de la géolocalisation. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement? Mais d'abord, on l'a dit tantôt, qui est John McAfee? C'est le fondateur de cette fameuse entreprise d'antivirus. Exactement. Donc, c'est un chercheur au départ qui, dans l'informatique, c'est lui qui a un peu analysé les premiers virus avant même que ça porte un nom. Donc, c'est vraiment un précurseur, là. Donc, lui a créé cette compagnie-là, McAfee, donc à partir d'antivirus. Donc, il a créé les premiers antivirus. Là, c'est devenu beaucoup plus gros maintenant. Là. McAfee, ils font toutes sortes de produits de sécurité en général. Mais c'est ça, on était vraiment dans les balbutiements, là. Donc, lui, éventuellement, a vendu la compagnie une fois qu'elle est devenue quand même assez grosse. Comme tu l'as dit tantôt, ça fait quand même 18 ans. 18 ans qu'il a vendu la compagnie. Qui n'a plus rapport avec cette compagnie-là du tout. Là. Exactement. Puis là, c'est ça. McAfee font des pieds et des mains pour faire comprendre aux gens que M. McAfee n'est pas McAfee la compagnie. Là. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez triste, en fait. C'est qu'il y a eu c'est son voisin. Parce que lui, il réside pas aux États-Unis, il résidait au Belize, en fait. C'est en Amérique centrale. Et puis, il s'entendait pas très bien avec son voisin. Puis, pour des histoires, en fait, lui, il a 11 chiens. Et il avait 11 chiens. En fait, 2 jours avant ce fameux meurtre-là qui est arrivé le 11 novembre. C'est ça, parce que son voisin a été retrouvé mort chez lui. Exactement. Donc, le 11 novembre a été retrouvé mort chez lui. C'est vraiment un meurtre. C'est pas un accident. Donc, Monsieur McAfee, donc John McAfee s'est caché chez lui. Il faut dire que là, pour le moment, il n'y a pas eu d'accusation sur John McAfee, je pense. Non, c'est un témoin important. Les gens au Belize veulent lui parler, la police veut lui parler, mais il n'est pas accusé de rien du tout, là. Mais lui, il a décidé que s'il commençait à parler à la police, il allait éventuellement l'arrêter, puis... On pourrait penser que c'est quand même un comportement assez suspicieux, là. Ouais, Oui, c'est ça. Je pense que, en tout cas, je veux pas dire qu'il est coupable, là, mais c'est certain que c'est suspect. Là. La personne est tout de suite sur la défensive, mais solide, c'est vraiment intense. Là, il est sorti. En fait, il est allé au Guatemala, il est sorti là du Belize clandestinement. Donc c'est ça. Le 16 novembre, donc 5 jours après le meurtre, disait toujours être chez lui, mais il s'était caché. En fait, c'était ensablé quelque part chez lui sur son terrain. Ensablé avec du sable. Il s'est enterré avec du sable. il s'est mis une boîte sur la tête. Il restait là quelque chose comme 18 heures d'affilée pour être certain que quand la police débarque chez lui, qu'il ne voie pas. Donc, il pouvait respirer malgré le fait qu'il y avait une boîte sur la tête, mais il était indécelable là, par la police. Donc 5 jours plus tard... C'est pas du tout suspect, ça. Non, c'est ça. Là, c'est le genre de choses que tout le monde ferait là, quand la police cogne chez vous. Moi, dans un 4,5, je vais m'en sortir. Exactement. Ils ne te verront jamais. Jamais. C'est ça. Le 16 novembre, donc, disait toujours être chez lui. Finalement, le 3 décembre, on savait qu'il était à l'extérieur du pays. Il disait pas dans quel pays, mais il était à l'extérieur du Belize. Puis, il rencontrait des journalistes, donc, du Vice Magazine, qui croyaient avoir fait un très bon coup avec cette rencontre-là, alors que la personne, c'est ça, M. McAfee, était toujours en cavale. Et finalement, poste une belle photo de lui sur leur site web alors qu'ils sont encore présents sur le site. Et il y a des gens qui se sont rendus compte que la photo, en fait, avait pas été nettoyée de ses tags GPS. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le sujet là, de la sécurité informatique. Donc, le 3 décembre, ces gens-là postaient cette fameuse photo suite à un échange avec lui, puis une entrevue avec lui. Puis, deux jours plus tard, là, suite à justement cette piste-là là, qui était donnée gracieusement par le photographe à l'aide de ces informations GPS, deux jours plus tard, il était arrêté, donc le 5 décembre, par les autorités du Guatemala. Pour officiellement pour des raisons d'entrée au pays illégalement. Donc encore une fois, il n'est pas accusé de meurtre. Il y a vraiment pas de à aucun moment il était accusé de meurtre par les autorités du Belize. Suite à donc sa condamnation pour entrée illégale au pays donc au Guatemala, il a été extradé au pays de son choix. Donc lui étant citoyen américain, il a préféré bien sûr être extradé aux États-Unis. Que au Belize, là où justement il tentait de sortir justement. Donc là c'est toujours en cours là. Il est quelque part en Floride là au moment où on se parle. L'histoire ne dit pas. En fait, il travaille beaucoup avec ses avocats pour essayer d'éviter d'être déporté au Belize. Donc pour le moment, il est toujours pas. Bon, il est dans l'eau chaude, mais il est pas complètement fini là. C'est pas certain encore là qu'il va être extradé au Belize. Là, tout ça, c'est une histoire assez rocambolesque parce que vu les comportements de M. McAfee en question, mais c'est surtout le fait qu'effectivement on y pense. Pas nécessairement, mais on laisse des traces avec justement ces photos-là, puis avec nos téléphones, partout où est-ce qu'on va, on les prend par défaut, ça laisse des traces. On a jusqu'à penser à la géolocalisation de Facebook. Où est-ce que vous êtes? Je suis en train de prendre un verre à telle place, puis des fois, on le fait, puis on s'en rend même pas compte. C'est souvent, ça. Là. Bon, là, c'est sûr que, bon, vous et moi, on n'est pas en cavale, donc on n'a pas nécessairement le réflexe de tout cacher des autorités. Mais pour les jeunes, il y a des gens qui veulent pas, tout simplement pour des raisons éthiques, qui veulent pas... C'est ça, moi, je préfère pas nécessairement. C'est, ça. C'est sûr que j'active mon GPS, moi, sur mon téléphone, quand j'en ai besoin. C'est pas nécessairement le comportement de tout le monde, mais c'est ça, moi, j'ai un S3. J'ai fait quelques tests là. J'ai un Galaxy S3 avec mon appareil photo et ce que j'ai réussi, en fait j'ai réussi donc à retrouver les fameux tags GPS. En fait ça prend un outil là, qui s'appelle EXIF Tool, donc EXIF Tool, T-O-O-L. Donc c'est parfaitement trouvable là, sur internet avec un engin de recherche et ça va chercher donc ces fameuses informations là qui sont pas nécessairement faciles à trouver, mais ce que j'ai trouvé bien là du S3, c'est que par défaut, c'est désactivé. Donc, on peut prendre des photos sans problème, même avec le GPS activé, et vous n'aurez pas de problème de ce type-là. C'est ça, parce qu'à la base, même si le téléphone a son GPS activé, ça ne veut pas nécessairement dire que l'application de prise de photos va, elle, y mettre des tags GPS là, de géolocalisation. Là. C'est ça. Puis le vrai danger aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, bon, quand on est au resto, bon, qu'on soit à tel resto, telle heure, telle date, c'est pas plus grave que ça que les gens le sachent. Mais, par exemple, on prend des photos chez soi, ça veut dire que n'importe qui a accès à cette photo-là va savoir où on reste. C'est là où ça devient important. Puis le contenu des photos, je sais pas, en arrière-plan, il y a peut-être quelque chose de valeur. Donc, on a l'objet d'un potentiel vol, puis on sait où ça se trouve. Donc, on a tout en main, là, si on veut faire le mal, là. C'est sûr qu'habituellement, une personne fait le tri de ses amis Facebook et ne devient vraiment ami avec n'importe qui. Mm-hmm. Mais effectivement, quelqu'un qui est le moindrement habile de sa caboche et qui a les logiciels qu'il faut peut effectivement retrouver une maison ou un emplacement assez rapidement. C'est aussi des questions d'éthique. Je veux dire, les gens, des fois, il y a des gens qui sont un petit peu paranoïaques. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est mon cas, c'est ça. Je suis paranoïaque, mais peut-être pas à ce niveau-là, là, j'espère. Mais non, c'est sûr que j'ai un petit niveau de plus. C'est une déformation professionnelle dans mon cas. Mais non, c'est sûr que moi, je désactive systématiquement mon GPS quand j'en ai pas besoin. Et en plus, les GPS sur les téléphones, ça a tendance à gruger un petit peu la batterie quand on... C'est ça. Ne serait-ce que pour des questions de batterie, c'est mieux de désactiver. Mais en plus, c'est ça, il y a carrément des appareils photo, là, maintenant. Là, il y a un nouveau produit, là, que Samsung fait. Le Samsung Galaxy Camera qui tourne sur Android. Donc c'est carrément, c'est presque un téléphone sans le téléphone. C'est un appareil photo qui roule sur une interface Android. C'est ça. Donc on peut poster directement là. Bon, ça prend internet sans fil, bien sûr. Là, y a pas de carte SIM pour envoyer par 3G non, ou quoi c'est que ça, ce soit. Mais quand même, là, t'sais, y a une antenne GPS aussi. C'est ça. Il y a le GPS embarqué là-dessus, exactement. Donc c'est carrément. En tout cas, il faut penser à ça quand même si c'est pas un téléphone intelligent, ça reste qu'il y a un GPS là-dessus. Puis même là, on parle de celui-là, mais il y a de plus en plus d'appareils photo qui ont le GPS intégré. Donc, il faut que vous regardiez et que vous vous assuriez avant de l'acheter que vous pouvez le désactiver. Puis sinon, bon, faut trouver là, des éditeurs là, de tags sur Internet. Là. Il s'agit de chercher EXIF Editor, par exemple, pour enlever là, toutes ces informations-là qui n'ont pas d'affaires là, sur Internet, là, c'est certain. Puis j'ai fait aussi le test sur Facebook. Même s'il y avait un GPS, en fait, les informations GPS sur une photo, je suis pas capable d'aller les rechercher ensuite de Facebook. Donc ça, c'est déjà pas mal. Sauf que il faut pas oublier que nous, on envoie quand même l'information à Facebook. On sait pas ce qui se passe derrière. Est-ce qu'ils gardent l'information? On peut en douter. Là. Mais quand on parle de toute façon, quand on parle en général de tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux, de nos informations personnelles, on le dira jamais assez, mais soyons prudents, pensons-y à deux fois avant de poster n'importe quoi là-dessus pour diverses raisons. Puis là, je pensais à peut-être une façon d'utiliser ces tags-là en disant regardez, en postant des photos sur notre Facebook en disant qu'on est supposé être en maladie ou un truc du genre, puis que finalement, ben, on est très bien portant, ben ça se peut que disons que votre employeur, si quelqu'un a accès, puisse utiliser ça contre vous. Donc soyez donc prudent. Si vous êtes malade, ben premièrement, allez travailler. Si vous êtes malade, restez à la maison, mais soyez malade pour rester à la maison. Et soyez prudent en utilisant évidemment vos accès aux réseaux sociaux et vos appareils munis de GPS. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'être passé à l'émission pour nous avoir parlé de ça, parce que c'est quand même, ben, en passant par l'histoire de M. McAfee, qui est aussi une histoire intéressante. Là, de oui, voir, ben lui, il y a eu des conséquences, là, plus que juste un vol. Là, c'est carrément, il s'est fait arrêter à cause de ça. Là. C'est ça. On verra la suite si, effectivement, lui sera accusé du meurtre de son voisin. Mais bon. Je suis ça de près. On viendra là-dessus dans une prochaine émission, si jamais il y a des développements. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'être passé en studio. Et Pierre-Luc va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il va sûrement discuter avec nous des autres sujets que l'on va aborder. Et on va continuer en musique avec une chanson de M. Pierre Lapointe qui s'appelle 2700 rue de Partance. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Vingt-sept cents rue des Partances, j'ai revu mes tristesses d'avant, brisé mes bonheurs présents. Toujours les mêmes gestes, toujours le même enfant qui détruit tout de peur d'être géant. Et je vais au lendemain en sachant que rien n'ira aussi loin que mes amours d'à présent. Et je sais bien que demain ira peut-être moins bien, mais je n'aurai qu'à penser au passé. Tu sais, celui qu'on s'est bâti à coups de rires et de joie, celui qu'on s'est donné le droit d'habiter. Tu sais, celui qu'on a souvent touché du bout de nos doigts, celui qui a grandi entre toi et moi. Rue des Partances, j'ai brisé ton grand cœur d'enfant qui rêvait d'être géant. toujours les mêmes gestes, plus jamais le même amant. Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant? Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant? Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant? Jaune-Jaune aussi écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après une chanson de Pierre Lapointe. J'aime ça me faire défoncer les tympans par un canard en plastique. Par Jaune-Jaune, on l'aime bien, cet indicatif. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Parce ben, je présume que c'est un canard en plastique. Ça réveille le monde, en tout cas. Mais pas autant que du bruit de bacon. Ah, ça, c'est sûr et certain. Et voilà, ouais, on avait fait jouer du bruit de bacon au spécial du Radioton de 3 heures pour réveiller les gens. Donc, on y va avec ma critique, en fait, de Assassin's Creed 3 qui est sorti à la fin octobre dernier. Donc, moi, j'ai joué à la version PS3. Donc, on retrouve finalement, on revient dans la trame narrative de Assassin's Creed. Donc, on va être Desmond, finalement, ce descendant d'assassins qui fait maintenant partie de l'ordre du regroupement des assassins, qui est une société secrète qui combat une autre société secrète qui est les Templiers, qui se battent pour la liberté de l'humanité et l'autre pour, disent les assassins, l'asservissement de l'humanité par les secrets venant d'une autre civilisation. Petit spoiler alert pour ceux qui n'avaient pas suivi jusque-là, mais là on est rendu au 3, ça fait que on le sait. Pourquoi t'as dit ça? L'Andrew pleure. Donc, on est dans une nouvelle trame narrative, parce que là, on vient de changer de personnage, parce qu'à partir de Assassin's Creed 2, on était avec Ezio Auditore da Firenze, l'ascendant italien de Desmond, qui était pendant la Renaissance, qu'on va jouer pendant 3 jeux, donc pendant ces 3 jeux-là, qui s'est terminé par Revelations, que j'avais... Assassin's Creed, je l'ai toujours dit, moi j'aime ces jeux-là à cause justement de la trame narrative, de l'histoire qui est vraiment très intéressante. Ce côté-là que les personnages retournent dans le passé par une machine qui va dans leur ADN. C'est de la bonne science-fiction, j'ai beaucoup aimé ça. C'est toujours bon. Moi, je trouve que les missions sont intéressantes, qu'on reste dans le côté plus linéaire du jeu. Là, on va changer de personnage. On va incarner, entre autres, parce qu'au début du jeu, on va incarner un autre personnage. En fait, on va incarner Connor, qui est un métis, finalement, un natif américain, dont le père est un Anglais. Et on apprend au début du jeu, spoiler alert, mais là... c'est pas un si gros spoiler que ça. Le premier personnage qu'on va jouer est le père de Connor. Donc, on va le jouer au début du jeu. Finalement, on vient à jouer Connor. On va le jouer pendant qu'il est petit dans son village, parce que il est de la tribu des Mohawks, si je me rappelle bien. Et après ça, on va le jouer à son adolescence pendant son entraînement. Et finalement, à l'âge adulte, à la fin de son entraînement avec son mentor du groupe des assassins. Et on va commencer à faire vraiment des missions à l'intérieur. Là, moi, j'ai quand même fait quelques heures de jeu, plusieurs heures déjà. Mais j'ai fait beaucoup les alentours. J'ai pas fait beaucoup la trame principale. J'ai fait beaucoup de... Je voulais voir ce qui était disponible autour. Des fois, des trucs que je trouvais moins intéressants dans le jeu. Ce que j'ai beaucoup exploré. Et ça se passe à Boston, principalement au début. Donc... entre autres, là, on est vraiment là, encore dans un contexte historique. Là. C'est la force d'Assassin's Creed. Donc, depuis le début, donc depuis l'époque des croisades, jusqu'en passant par la Renaissance, et maintenant dans le Nouveau Monde aux États-Unis, un peu avant la guerre d'indépendance américaine. Donc, évidemment, les assassins vont être du côté des patriotes, de ceux qui vont vouloir se battre pour l'indépendance, et les Templiers sont du côté des méchants britanniques. Mais je les aime bien, les Britanniques. Ils ont un petit quelque chose... En tout cas, bref, parce que là, je viens de réécouter les Tudors, c'est pour ça que je suis dans la monarchie par-dessus la tête. Donc, c'est ça, Connor va combattre du côté des Patriotes pour un peu donner de l'aide du côté de la balance justement des Patriotes. On va être dans cette période-là. On va entre autres vivre des événements historiques. Donc, on va rencontrer Benjamin Franklin, un scientifique, un littéraire, mais aussi un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et également, on va participer au fameux événement du Boston Tea Party où il va y avoir des caisses de thé qui vont être jetées à la mer. Et Connor sera un des personnages qui va jeter des caisses de thé à la mer. Parce que, en tout cas, vous allez voir que dans l'histoire, ce fameux, toute cette affaire-là, celui qui amène ce thé-là, ben, finalement, c'est un ami des Templiers. Donc, voilà la raison pourquoi vous y trouvez. C'est vraiment une force de la franchise, ça, l'intégration de l'histoire. Moi, je suis un gars qui adore l'histoire en général. Moi, tant qu'on intègre bien l'histoire, on peut jouer avec les faits historiques. Mm-hmm. Pourvu que la finalité reste la même. Ouais, oui, c'est sûr. Mais qu'on ait un petit jeu comme ça, je trouve ça vraiment intéressant de l'intégrer. Donc, on est encore là-dedans. Très réussi. Ça, on peut pas enlever ça à la franchise, c'est très bien réussi. On va, pour le moment, là, dans la trame, là, ce sera, on va jouer le part de Connor, après ça, comme je disais tantôt, l'entraînement, la vie adulte, et on va nous introniser finalement à le côté gestion du jeu, parce que depuis, je vous dirais, Brotherhood, ben, il y a un côté gestion, où on va gérer des recrues assassins, on va gérer aussi des missions dans des territoires éloignés, puis là, dans ce cas-ci, ben, ça va être dans les colonies américaines, et aussi au Québec. On peut envoyer des assassins au Québec, pendant la bataille de Québec, entre autres. Moi, je me suis concentré beaucoup pour le Québec au début, pour voir les événements. C'est beaucoup, c'est ça. Ça ressemble à pas mal à ce qui se faisait dans Brotherhood puis dans Revelations. Donc, on envoie des assassins là-bas. En fait, les assassins, nos recrues, on va les voir plus souvent. Il y a des cinématiques qui sont... C'est beaucoup plus... Tu sais, les recrues qu'on va prendre, c'est pas juste des no-names qu'on en... Ils vont interagir dans les cinématiques, ils vont être là. Puis évidemment, c'est des personnages de différentes... de différentes origines. À un moment donné, j'ai rencontré un Québécois, un Canadien français, qui vient travailler sur nos terres parce qu'on a un petit domaine avec notre mentor qui est un mineur qui va venir travailler sur nos terres pour nous donner, on peut y acheter des ressources. Puis qu'il y a un côté gestion, on va un côté marchandage avec des convois. Donc il y a ça aussi, gérer notre domaine, ça c'est que ça revient un peu, ça change un peu de ce qu'il y avait dans les autres jeux, mais ça reste un côté gestion. Que je trouve des fois qui apporte l'idée principale, c'est de nous donner de l'argent pour nous acheter des équipements et tout. Mais des fois, je trouve ça un peu trop lourd. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts comparé au temps qu'on pourrait mettre sur la trame. Moi, je trouve tout le temps que c'est des beaux surplus. C'est un bel enrobage qu'on met, qu'on rajoute à l'univers. Mais je trouve qu'on perd un peu de la trame narrative principale. Puis moi, en plus, j'ai jamais manqué d'argent dans ces jeux-là, les Assassin's Creed en général. C'est au début. Tu finis toujours par te démerder. Au début, c'est plus long un peu, mais une fois que le processus est lancé, l'argent vient tout seul. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est un peu plus difficile dans celui-là au départ, okay. Mais quand même, on n'investit pas. En tout cas, pour le moment, à Boston, on investit pas dans des édifices qui nous rapportent de l'argent. Okay. C'est vraiment en faisant des missions. Là. En faisant des missions, puis aussi en faisant justement du trade. je cherche le mot en français. Là. C'est ouais, du, ouais. du commerce. Du troc carrément. Là, on va vendre des pots, on va vendre des produits qu'on va avoir sur notre terre pour avoir finalement de l'argent en retour. Et donc, c'est le côté gestion que c'est bien, c'est un bel ajout, mais je trouve tout le temps que ça prend... Puis il y a toujours, ça prend un peu de place, puis il y a toujours les fameuses, bon, ramasser les pages de scie, les plumes, puis ça, j'haïs ça pour mourir. Puis la chasse, t'aimes-tu ça faire de la chasse? Ben, il y a ça qui a été rajouté, évidemment, que ça rentre dans le côté convoi, le côté commerce. Moi, à côté, ouais. Là, c'est évidemment, il y a les fameux challenges là, pour avoir des succès sur notre PlayStation, sur notre Xbox. Ben, écoutez, on y participe, ça fait un petit côté, c'est comme je dis, c'est un petit côté immersif, mais moi, je commence à être tanné, là, de chasser. Patrick, chasser l'ours, c'est payant. Oui, c'est très payant. Oh oui, c'est ça fait mal un ours là quand t'es pas parce qu'on les chasse, qu'on réussit à les prédateurs quand ils nous attaquent, mais on est en quick action, donc il faut peser sur les bons boutons au bon moment, si on veut pas se faire tuer. C'est comme n'importe quel combat en fait, même si la personne en face aurait une épée. Ouais, mais c'est pas exactement pareil. Par exemple, on est tout seul contre la bête, il faut vraiment faire une coupe de, c'est vraiment quick action, ils nous attaquent. Triangle, puis c'est à l'écran, c'est marqué, bon, il faut que tu payes sur triangle là, rond là, sinon tu te fais attaquer. Ah, okay, c'est pas okay. comme le système de combat, par exemple. C'est, dans le fond, c'est un système de QTE. C'est ça. Quick Time Event. Okay. C'est en plein okay. ça. Appel à God of War. Ouais, c'est en plein ça. Quick okay. Time Event, c'est l'expression. C'est l'expression que je cherchais. Merci, Andrew. Et pour le système de combat, c'est relativement la même chose. Les boutons ont changé. Avant, on se mettait en mode garde en tenant un bouton, puis après ça, on pesait sur attaque, puis on. Mais là, il faut vraiment, quand la personne attaque, un petit triangle rouge qui apparaît au-dessus de lui. on paie sur le cercle, en tout cas dans le cas du PlayStation 3. Puis après ça, il y a comme un slow-mo pendant que vous êtes en train de contre-attaquer. Soit vous pouvez attaquer ou désarmer la personne, ou même la lancer, genre la prendre puis la pitcher dans ses amis, ou dans l'eau, ou en bas d'un toit. Là. Fait que c'est un peu plus dynamique, je trouve. On est, parce qu'il y a plus d'attaques. Moi, je trouve qu'il y a plus ça attaque un peu plus souvent pendant qu'on est en train de faire un combo. Fait qu'il faut peser sur le counter assez rapidement pour se retourner et attaquer l'autre ennemi qui, mais ça fait des beaux combos. Je trouve que c'est plus dynamique. Les combos sont plus beaux. Ils ont vraiment mis des, c'est vraiment des. Ouais, le côté ralenti, il doit avoir des belles prises de vue. Oh, oui, tout, il y a des belles prises de vue. Puis en, des fois, il y a des ennemis qui peuvent vous attaquer en même temps. Ça fait que si vous counterez, puis vous attaquez les deux en même temps. C'est vraiment, c'est des beaux, c'est des belles chorégraphies. C'est bien pensé. Moi, je trouve que c'est plus dynamique comme combat un peu. Mais le base, ça reste pas mal pareil. Vous êtes en mode attendre. Vous, dès que vous commencez à faire un counter, ben après ça, ça y va bien. À part quand il y a des officiers qui sont, c'est un principe qui est connu dans Assassin's Creed. Des officiers qui sont un peu plus difficiles, ben à ce moment-là, ben là, il faut plus les désarmer ou éviter. Ouvrir la garde. Ouvrir la garde ou commencer à en attaquer un autre puis revenir sur l'autre après. Mm-hmm. Puis en plus, mais ben là, il y a le côté arme à feu qui est là. Ça fait que des fois, il peut y avoir des rangées d'ennemis qui se préparent à nous tirer dessus. Ben là, on pèse sur X. On ramasse un gars puis on s'en sert comme bouclier humain. Pop-pop-pom. Puis après ça, on continue à se battre. On fonce dans la ligne qu'il y a des guns pour pas qu'il y ait le temps de recharger. C'est que c'est vraiment des combats. Moi, je trouve que c'est plus dynamique. C'est aussi facile. Là. C'est pas plus, ben plus difficile que dans les autres. Là. Mais je vous dirais que c'est plus dynamique. C'est plus intéressant à regarder, mettons. Sinon, ce que je voulais dire, les graphiques. Écoutez, ça, moi, je trouve que ça s'est amélioré. Surtout du côté du gros plan, les détails de proches, pour voir les personnages. Mais il y a un problème, en tout cas sur PlayStation, un problème majeur d'ombre. C'est pas des belles ombres. On a une ombre sur un personnage, mais on voit des quadrillés. C'est vraiment là un problème assez important. Puis il y a des glitches graphiques aussi, assez importants. Des glitches aussi, disons, il y a des fameuses affiches qu'on retrouvait, qu'on est connu dans une ville. On va enlever une affiche pour faire baisser notre notoriété. Ben, des fois j'arrivais, puis il y avait une affiche, puis je pouvais pas l'enlever. Il y a des glitches comme ça qui peuvent se corriger avec un patch. Là. Mais excuse-moi, je voulais juste te poser une petite question. On va juste retourner en arrière de 2 secondes. Tu parlais des armes à feu, les rangées de soldats. Est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer, toi, en tant qu'assassin, un arme à feu? Ben si oui. Tu fais une comparaison entre Revelation, où ils ont mis un petit peu plus d'armes à feu que les autres, versus celui-là, c'est quoi ton opinion? C'est plus long. Revelation, l'arme à feu qu'on avait, c'était un petit pistolet qui était caché dans notre bracelet, qui est beaucoup plus rapide. Là, c'est vraiment plus réaliste, parce que quand on tire un coup de fusil, il faut le recharger, c'est beaucoup plus long. Puis aussi, il y a le système de tir que j'aime moins, qui a changé un peu, parce qu'avant, on sortait notre arme, puis on le sortait, puis on pouvait viser où aller se verrouiller un ennemi. Mais là, notre arme, elle sort pas si c'est pas verrouillé, s'il n'y a pas un ennemi potentiel. Ça devient compliqué un peu. Je trouve que c'est moins instinctif un peu le côté de tir. Mais c'est très efficace. Moi, il y a un des guns que tu ramasses avec 3 canons. C'est ridicule, là. Tu vois le fusil, tu fais, ouais, c'est bien niaiseux. Mais c'est bien pratique parce que tu peux tirer 3 personnes en même temps. Ça fait que, mais le côté arme à feu est là. Évidemment, pour un assassin, c'est pas l'idéal parce que ça attire l'attention. Puis une arme qui est pratique, c'est le mousquet. Le mousquet des soldats qu'on le ramasse. Soit on peut le garder, contrairement aux autres. Mm-hmm. On peut pas le garder sur soi puis tout le temps l'avoir, mais on peut le traîner longtemps puis on peut le recharger avec nos propres. C'est qu'on a un fusil qui est à plus longue portée. Je te posais la question parce que il y a Pierre sur Facebook qui avait demandé qui avait parlé qu'il trouvait que les guns étaient moins bien, le système d'armes à feu était moins bien fait que sur Revelation. Ben, il a tout à fait raison. Puis, c'est plus réaliste dans le sens là, pour la recharge et tout, pour l'utilisation de l'arme, mais pour en tant que tel, le système de visée là. C'est juste parce que quand j'ai vu son commentaire, ça m'intriguait de savoir le tien. Beaucoup moins instinctif. Pierre a tout à fait raison. Je suis. Mais il trouvait qu'il n'y avait pas moyen de viser rapidement. C'est tout à fait. Quand il faut poursuivre un ennemi pour l'assassiner, le temps de sortir votre gun, vous êtes aussi bien de courir après. Puis l'arc, on a un arc, là, vu étant un métis et on a un héritage autochtone assez important. L'arc silencieux, mais beaucoup moins efficace donc à l'arbalète. C'est plus réaliste, je trouve. Tout à fait plus réaliste parce que ça prend plus de temps. Mais c'est plus difficile. Ça amène un petit côté plus difficile un peu à ce niveau-là, mais bon, c'est pas la fin du monde. Côté graphique, comme je disais, un gros problème de glitch graphique et d'ombre à... comment je pourrais dire ça? Vraiment, ça va prendre un patch. T'as-tu le fameux glitch? Non, on avait vu un glitch sur Internet où c'est Connor, à un moment donné, qui se vire de bord, qui va parler à un personnage, puis que la main commence à y aller, mais au niveau de l'entrejambe de l'autre personnage, ça, on avait comme l'impression qu'il y avait quelque chose de pas clair qui se passait dans ce ruelle-là. Mais j'ai pas eu ce glitch-là encore lors de mes missions. Donc, en gros, écoutez, c'est ça, pour conclure cette critique, une bonne trame L'histoire est encore toujours très bonne. Belle intégration de l'histoire. Un gros 2 pouces en l'air. Écoutez, sinon, je trouve encore que le ski auto, le côté gestion, je trouve que c'est trop lourd. Ça prend trop de temps pour ce que ça donne, premièrement. Puis ça nous éloigne beaucoup trop. Comme, regardez-moi, là, ça fait beaucoup d'heures que je passe, puis j'ai déjà 25% du jeu de fait. Puis j'ai à peu près pas touché à la trame principale. C'est que ça, en tout cas, c'est un petit peu, je trouve, c'est un petit côté viande qu'on a pas autour de l'os, là, qu'on vient à perdre. Malheureusement, ça, c'est ça n'a pas changé côté Assassin's Creed. Sinon, les combats plus spectaculaires, plus acrobatiques un peu, mieux fait au niveau du système de combat. Donc, écoutez, pour les amateurs de la série, c'est un achat. Profitez-en, là, on est en vente après les fêtes. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller l'acheter en spécial. Il y a des ventes présentement. Donc, allez au magasin. Je me rappelle pas quel magasin exactement ils ont en vente présentement. Mais vous trouvez un 20$, je pense, chez eBay Games, chez Future Shop. Un 20$ de rabais. Puis, allez voir dans vos magasins locaux, bien évidemment. Donc, c'est tout. On va continuer en musique avec une chanson du chanteur de System of a Down, M. Serge Tankian, avec la chanson Praise the Lord and Pass the Ammunition. Dans cette période un peu bizarre là, de fusillade aux États-Unis, on va y aller avec une chanson de M. Serge Tankian. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Mesdames et messieurs, de retour à puissance maximale, on coupe la chanson un peu parce que M. Castegan a on a une petite chronique pour vous avant la fin de l'émission qui nous, en fait, les prédictions de M. Castegan sur l'industrie en général et sur ce qui s'en vient finalement en 2013. Bon, en fait, il n'y a pas juste mes prédictions à moi. T'sais, j'ai fait une job de documentation incroyable, mes amis. J'ai lu. Et félicitations. Merci. Ça t'arrive pas souvent, mais. Non, ça m'arrive pas souvent. Mais en fait, c'est faire quelques petites prédictions. J'en avais déjà parlé à Mike comme projet. En fait, c'est que, on le sait tous, 2012 a été quand même une bonne année en frais de jeu. Il y a eu des gros blockbusters qui ont sorti autant sur PC que console. Mais quand même, on a remarqué qu'il y a plusieurs studios qui ont fermé autant, ou encore qui ont fait faillite. Et on peut faire référence à THQ qui a été racheté, mais il a quand même déclaré faillite au mois de décembre. Et il y a eu plusieurs dossiers, plusieurs choses qui ont circulé sur Internet au niveau des prédictions de qu'est-ce qui allait se passer dans l'industrie du jeu vidéo en 2013. Et en fait, il y en a quelques-unes qui ont marqué mon attention et en même temps, quelques-unes à moi. Je vais faire la... Je vais y aller en ordre d'importance. La moins importante, c'est... la moins importante, ça reste important, mais on va tous s'en douter. Dans ton palmarès. Sony et Microsoft vont annoncer de nouvelles consoles cette année. Et il fallait s'y attendre avec la sortie de la Wii U. En fait, il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de dossiers. Il y a même des magazines américains qui disent avoir vu les moteurs en fait des prochaines consoles là, de Sony et de Microsoft. Et on se le cachera pas, Nintendo a un petit peu... arraché la vedette cette année avec la Wii U en sortant la Wii U en décembre. Bon, ça a démarré mollo, on l'a testé. Moi, j'ai bien aimé ça. Je vous dirais, j'ai aimé la console. Je suis pas prêt à payer le prix qu'elle coûte actuellement, mais c'est une console intéressante. Mais faut que les autres compagnies, Sony, Microsoft, prennent le momentum pour justement contre-attaquer et sortir leur propre console. Et en même temps, on se rappellera que j'avais parlé aussi du slogan du E3 de cette année, qui est l'année que vous ne voulez pas manquer, si on fait la traduction. Donc, est-ce qu'on va voir une conférence de presse de Sony et de Microsoft pour nous sortir les nouvelles machines, les bombes qui vont sortir en fin d'année 2013 ou début 2014? On a hâte de voir ça. Peut-être. Je dirais que ça serait quelque chose à surveiller. Autre prédiction au niveau du E3 ou tout autre salon dans le fond de jeux vidéo, la Nintendo va annoncer une nouvelle mouture de la 3DS. Ça, c'est ma propre prédiction à moi. Ça, j'ai pas eu de magazine, mais Nintendo n'a pas d'annonce d'envergure à faire cette année, on s'entend. Ils ont sorti la Wii U, ils vont sortir juste des titres. Et c'est rare que Nintendo n'annonce pas un périphérique ou quoi que ce soit. Et il y a une chose qui manque à leur 3DS XL actuellement, et c'est le fameux accessoire pour un deuxième joystick. Et vous vous rappellerez que j'ai fait un petit coup de gueule à la radio ici, disant que Nintendo, il y avait des jeux de développement de la 3DS qui nécessitaient l'utilisation de deux joysticks et ils n'ont pas cru bon de l'intégrer sur leur console. Pourquoi pas une nouvelle mouture qui va inclure ce deuxième joystick, surtout que l'accessoire est discontinué et n'a pas été réinventé pour le 3DS XL. Donc, ça sent l'annonce. Ça sent l'annonce, à surveiller. Sinon, en tant que tel, je vous dirais que 2013 va sûrement être comme 2012. Faut s'attendre à une année, encore une fois, où on va sûrement se faire annoncer des faillites. Parce que, veut pas, 2013 s'annonce une grosse année en blockbuster, encore une fois. Mais blockbuster inclut investissement financier majeur. Et juste un exemple comme ça, BioShock Infinite, on en a parlé quelques fois. C'est un jeu qui va avoir encore été retardé. Puis c'est pas la première fois. Donc, les retards pour des compagnies. C'est des coûts additionnels. Des fois, c'est avec des bonnes intentions. On veut régler des bugs, on se rend compte qu'il y a un bug majeur quelque part, ou encore que notre personnage principal fait une petite affaire saugrenue aux ennemis, comme Assassin's Creed. On veut retarder, régler, prendre le temps de régler le bug. Mais c'est des coûts supplémentaires et il y a des studios qui font faillite à cause de ça. Référence Duke Nukem Forever, qui a été un des jeux qui a mené à la mort de son studio d'origine. Donc, je vous dirais que faut s'attendre probablement à ce que 2013 soit encore une année où on va se faire annoncer des studios qui vont fermer. Est-ce que ça va être des studios majeurs, des studios mineurs? Je dirais peut-être pas les studios majeurs. À mon avis, je crois pas qu'on va revoir un THQ. Mais des studios satellites, par exemple. Exactement. Ouais. Tu sais, je pense pas qu'on va arriver puis avoir Square Enix qui va faire faillite. Mais peut-être que il va y avoir des studios annexes à Square Enix qui vont peut-être se faire annoncer des fermetures ou encore un studio mineur de Nintendo ou X affaire. On surveillait ça à Québec parce que là, il y a Dan Brown de Binox qui a quitté en 2012. Il n'y a pas eu d'annonce de réduction de personnel chez Binox, loin de là, mais on va quand même surveiller parce que c'est quand même le fondateur qui est parti en 2012. On va surveiller ça. Donc, je vous dirais là, que ça va être quelque chose à surveiller à ce niveau-là. Mais sinon, je vous dirais que la grosse prédiction que beaucoup de magazines américains et même moi, je serais d'avis de dire que effectivement ça va être le cas. 2013 serait l'année du déclin du marché de la console de salon. Comme on peut remarquer, les ventes de consoles, oui, ça se vend encore en millions, mais on regarde les années passées, des choses comme ça, c'est en baisse énorme. Les compagnies de jeux comme Nintendo, Microsoft ou Sony ont de la misère à joindre les deux bouts, autant avec les consoles portables que les consoles de salon. Qu'est-ce qui arrive? On a vu la tangente en fin 2012 se pointer. C'est le PC Gaming, le jeu de PC. Le vrai seul gaming. Qui reprend du terrain au niveau du pourcentage de marché, mais pas uniquement ça. On parle aussi des téléphones et exactement. Des tablettes. Ça et mange le marché des consoles portables, ça c'est certain. Et dans le fond, les analystes décrivent ce phénomène-là par un pas un dégoût, mais une certaine fatigue du consommateur, du moule que les compagnies, les grosses compagnies ont mis en place dans l'industrie du jeu vidéo. On a déjà des réponses là, venant de l'industrie indépendante avec la Ouya qui s'en vient, là, cette fameuse console indépendante avec totalement ouverte aux développeurs, même aux consommateurs qui vont, là, ils vont pouvoir jouer dedans. Moi, je pense que c'est l'avenir. Si on veut rester à avoir des machines qui vont se vendre, ben, il faut que les gens puissent faire ce qu'ils veulent avec leurs machines. Qu'est-ce qu'il disait juste l'investissement record que la Ouya a eu sur Kickstarter? La majeure partie des projets Kickstarter au niveau du jeu, autant jeux de société, jeux de plateau que jeux vidéo, qui atteignent généralement les objectifs, c'est des jeux que, oui, viennent des studios mineurs, mais financés par le joueur. Donc, le studio a comme une responsabilité, dans le fond, de donner le projet produit que le consommateur souhaite. Et en même temps, ben, c'est l'effervescence des indie games. Juste sur Steam, on voit de plus en plus de jeux indie. T'es fait par des petits studios, des jeux qu'on va payer 9$, mais on va avoir peut-être des heures et des heures. Une belle expérience de jeu qui sort de l'ordinaire aussi souvent. Exactement. Et t'es juste un exemple. Un des bundles qui a été les plus populaires sur Steam pendant le temps des fêtes a été le indie bundle pack qui était au coût de 80$, mais on avait pour 200 pièces de jeu, si je me rappelle bien, quelque chose du genre quasiment là. Puis tu sais, c'était, il y avait des gros titres, il y avait Amnesia qu'on a parlé ici qui était dedans, il y avait Terracia, mais bref, le genre de jeu qui ressemble à Minecraft, mais il y avait plein d'affaires comme ça qui étaient là-dessus. Et en même temps, ben, qu'est-ce qui aide à faire en sorte que le PC gaming remonte? Ça a été le passage, dans le fond, de la dématérialisation du produit sur Steam. Ça a été un des coûts, dans le fond, qui a fait mal au PC. C'était que le joueur n'avait plus la copie physique de son jeu et devait passer par le biais de Steam. Et finalement, les compagnies sont ajustées, il faut passer par Steam, mais on est encore capable, en tant que collectionneur, d'avoir le produit physique avec les goodies qui viennent avec. Donc, l'industrie PC s'est adaptée à cette réalité-là du joueur qui veut la copie physique, tout en baissant les coûts de production vers la dématérialisation. Et Steam, en plus, prévoit sortir la Steam Box, boîte qu'on peut brancher sur sa TV, avoir accès à la librairie Steam complète sur sa TV. Ça, c'est un projet qui va être assez prometteur pour les gens qui veulent peut-être pas s'acheter une grosse machine PC pour jouer à la maison. Exactement. Donc, ça serait le début du déclin pour les consoles de salon. Est-ce qu'on va voir la fin de Nintendo, des choses comme ça? Nintendo, je croirais pas. Je crois que Nintendo va réussir à s'adapter. Avec le public cible qu'ils ont. Mais Sony et Microsoft, va falloir qu'ils... Le hardcore gaming, ça se fait aussi bien sur console que sur PC. Puis, on peut avoir moi, je trouve que les expériences sont meilleures sur PC, autant pour les commandes que pour le visuel. Habituellement, pour les versions PC, c'est toujours mieux. Donc, entre les deux, le choix est facile. Mais, tu sais, je vous dirais, il y a plein d'autres prédictions comme ça, mais malheureusement, on manque de temps pour que je puisse continuer. Peut-être un autre moment donné, je ferai un deuxième segment lors d'une autre émission. On a une émission la semaine prochaine, Andrew. On pourra continuer ce dossier. On pourra continuer avec tes prédictions, nos prédictions 2013, la puissance maximale sur ce qui s'en vient dans l'univers des jeux en général. Alors, c'est déjà la fin, mesdames et messieurs, de Puissance Maximale. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. Je voudrais remercier M. Pierre-Luc Pelletier qui était de passage dans nos studios exceptionnellement sur les terres farouches du Québec. Merci Pierre-Luc d'être passé en studio. Merci à vous deux. Et on se rejoint pour une autre chronique, cette fois-là par les voies des internets ou par le téléphone pour ta prochaine chronique sur la sécurité informatique. Merci Pierre-Luc. Merci à M. Andrew Castigan d'avoir été là comme à son habitude, d'avoir été le fier commentateur de la console. Merci Andrew. Fait toujours un plaisir. Là maintenant j'ai fait ma gaffe. Ta gaffe de l'année est faite. Ta gaffe d'année, maintenant, je peux juste faire de la perfection. Et voilà, merci Andrew d'être là chaque semaine. Et mon nom est Michael Michaud, votre animateur, votre serviteur ludique, fidèle au poste aussi à toutes les semaines. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller voir, écouter nos anciennes émissions, podcasts et autres. Vous pouvez aller sur Facebook aussi, taper Puissance Maximale dans la barre de recherche pour nous retrouver. Allez appuyer sur le bouton J'aime, parce que nous, vous n'avez pas idée à quel point on vous aime. Et vous pouvez aller sur le CKIAFM.org pour aller chercher votre carte de membre de CKIA pour nous encourager, encourager la station et ses différents producteurs et différentes émissions. On vous rappelle que M. Pierre-Luc Pelletier a également un blog qui est le sécurité101.com. Allez voir ça pour des articles de vulgarisation. C'est très intéressant. J'ai fini par aimer sa page Facebook. Fait que maintenant, je vois ses nouveaux.